Tu veux monter au front, Bellec à qui tu t'affrontes. Gros, tu vas payer les frais, jamais trahi les miens. J'ai même plus qui sont les vrais, oh, je te peux toujours nier les faits. Au départ, on est plein, tu finis seul, tranquille, c'est la vie. J'ai juste pris ma part, on dirait que j'ai niqué ta vie. Y'a pas de survie, là je suis en bas, j'ai même plus de quoi j'ai envie. Petit. Écoute tes remparts, si tu veux grandir comme un homme, j'ai pris du recul. J'arrête de penser comme un môme, je trouve ridicule. Ils veulent me faire passer pour un autre, j'ai toujours la tête haute pour refrain. Revers de la médaille fait son effet. Toi à ma place, qu'est-ce t'aurais fait? Moi-même, si je tombe à sec, gros, je me refais. J'sais même plus de quoi j'ai envie. J'sais même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus. J'sais même plus de quoi j'ai envie. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus, je sais même plus de quoi j'ai envie. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus de quoi j'ai envie. Maman l'a dit, elle avait raison. Quand j'y repense, j'en ai des frissons, ouais. Fais attention, fils, et rentre à la maison, vite. Dans mes amis, j'ai fait le tri. Tant que ça t'arrange, tu fais le triste. Je t'arrange, tu fais le fou. Je pars en week-end, poto, je fais le vide. Un bol d'air, un vent chaud, les petites choses font avancer les grandes causes. La tête est haute, même si le poids augmente sur mes épaules. J'ai même plus de quoi j'ai envie. J'ai même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus, j'ai même plus de quoi j'ai envie. Je m'en fous, je veux plus, mais j'ai même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus, j'ai même plus de quoi j'ai envie. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus de quoi j'ai envie. Et quand j'ai, je veux plus, je sais même plus de quoi j'ai envie. Je m'en fous, je veux plus, mais je sais même plus de quoi j'ai envie. Quand j'ai, je veux plus, j'ai même plus.